Quoi de mieux pour entretenir une légende qu'une publication posthume obscure pour le grand public à laquelle on prête des vertus extraordinaires, comme en l'occurrence une résolution, voire une démonstration mathématique, ou pire encore, une preuve observationnelle de l'existence des univers multiples. Telle est la légende qui s'est propagée après l'annonce de la publication du dernier papier de Stephen Hawking, coécrit avec Thomas Hartog, sur le sujet brûlant en physique théorique qu'est le multivers. Que dit vraiment ce papier et surtout, que dit la physique de cette théorie toujours très controversée ? Multivers, la dernière tentation d'Hawking, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour trier le bon grain de l'ivraie, nos deux exégètes du jour de la sainte parole hawkingienne sont Marc Lachiezeray, bonjour. Bonjour. Astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astro, Particules et Cosmologie, auteur de Einstein à la plage aux éditions Dunod. Et bonjour Christophe Guelfard. Bonjour. Docteur en physique théorique de l'Université de Cambridge, auteur de L'Univers à portée de main. C'est aux éditions Flammarion. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission sur les ondes de France Culture et en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, je le disais, commençons peut-être par démêler le bon grain de l'ivraie, remettre les choses en place, parce que c'est vrai qu'on a lu un peu tout et n'importe quoi à propos de ce dernier papier de Stephen Hawking et de Thomas Hertog. On en avait parlé ici, mais il n'y a pas vraiment, peut-on dire, mais je vais vous laisser me le confirmer l'un et l'autre, Christophe Guelfard, de grande révolution dans ce dernier papier. Il s'inscrit un peu dans une sorte de recherche sur quelque chose qui se serait éventuellement passé au tout début de l'apparition de l'espace et du temps dans notre univers. Et c'est une période de notre univers qui est extrêmement difficile d'accès, à la fois théoriquement et sans même parler expérimentalement. Et du coup, il y a effectivement énormément de... Il y a une sorte de paysage mathématique qu'on peut survoler à cet endroit-là, qui est gigantesque, qui est pas facile d'accès du tout. Et le dernier papier d'Hawking avec Thomas Hertog essaye d'une certaine manière de clarifier la possibilité d'apparition de notre univers à nous et dans cette théorie-là. Marc Lachiezeray. Oui, alors la question des multivers, c'est très confus. On en entend beaucoup parler parce que c'est très à la mode, c'est très médiatique. Il faut se rendre compte qu'en physique, ça recouvre des choses très différentes et qui n'ont presque rien à voir entre elles. Et souvent, il y a un flou qui est un peu entretenu. Alors, il y a une notion d'univers multiple, par exemple, qui est associé à la physique quantique, et plus précisément à l'interprétation de la physique quantique, à ce qu'on appelle l'interprétation d'Everett. Il y a une notion d'univers multiple aussi qui est associée à la théorie des cordes. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. On va les examiner les unes après les autres. Et puis, il y a une notion d'univers multiple qui est associée à l'inflation, et c'est dans ce cadre-là que se situent les travaux de Hawking. Alors l'inflation, comme Christophe vient de le dire, c'est l'idée d'inflation, c'est qu'il y aurait eu tout au début de notre univers, un petit peu après ce qu'on appelle le Big Bang, enfin qu'on n'appelle plus le Big Bang aujourd'hui, mais c'est pour recadrer les choses, il y aurait eu une période très courte où se seraient produits des phénomènes extrêmement bizarres, dont certaines versions déclarent qu'il y aurait eu ce qu'on appelle d'autres univers, mais ce que je vais essayer de dire, c'est que, en fait, ce ne sont pas d'autres univers, ce sont d'autres régions de notre univers. Voilà, on va revenir distinctement sur ces différents points, sur les univers multiples en physique quantique, en cosmologie, mais peut-être avant, pour parler de cette notion de multivers, il y a quelque chose de presque paradoxal même dans le terme lui-même, puisque l'univers c'est tout, c'est le tout, c'est tout ce que l'on peut décrire. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir plus que tout ce que l'on peut décrire, Christophe Guelfard ? Voilà, on parle de définition, simplement. Oui. Donc on peut, si vous voulez, on peut faire des définitions qui évoluent dans le temps. Et disons que l'univers, pour aujourd'hui, et par exemple, je suggère qu'on appelle univers ce que l'on peut ou ce que l'on pourra détecté expérimentalement un jour ou l'autre. Multivers, c'est lorsqu'on inclut des parties de notre réalité auxquelles on n'a pas accès. On pourrait le dire comme ça, et du coup il y aurait d'autres univers ailleurs. Je vous donne un petit exemple tout bête d'un type de multivers, du coup. Imaginez que vous soyez au milieu de l'océan sur une barque, vous regardez l'horizon qui est autour de vous, c'est l'ensemble de ce que vous pouvez voir. Bon, ben un autre marin sur une autre barque, à l'autre bout du monde, il va avoir un autre horizon qui n'a pas la moindre goutte d'eau en commun avec le vôtre. Ça peut faire partie des multivers, par exemple. On a deux endroits qui sont complètement déconnectés. Après, ils pourraient éventuellement se balader l'un vers l'autre. Dans l'univers, c'est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire que ce qui différencie univers et multivers, finalement, ça n'est que le point de vue de l'observateur. Ça veut dire, parce que finalement, dans l'exemple de Christophe Gelfard, ces deux marins, ils sont tout de même sur la même planète. C'est-à-dire que ce que vient de dire Christophe, c'est un cas très particulier. Et effectivement, les définitions sont essentielles. Donc, définir le mot univers et puis définir le mot exister, puisque est-ce que les autres univers existent ou pas. Bon, il se trouve que la physique est une discipline qui s'est fondée sur l'idée d'univers. Hein, on peut dire que c'est Newton qui a créé la physique moderne, même s'il a eu des prédécesseurs, les Grecs, Copernic, Kepler, Galilée, qui ont bien avancé dans ses idées. Mais le fondement de la physique moderne, avec une méthode bien définie qu'utilisent les physiciens depuis à peu près 3 siècles, c'est Newton qui l'a énoncé dans ses Principia, en introduisant notamment la notion d'univers et ce qui va avec la notion de loi universelle. Et si on peut faire de la physique, c'est parce qu'il y a des lois universelles qui sont justement garanties par l'idée d'un univers. Et cet univers, dans sa définition, il est unique. Donc ça veut dire que si on parle d'autres univers ou de multivers, on doit changer de définition. Et pourquoi pas, bien entendu. Le problème, c'est que beaucoup des gens qui parlent d'autres univers n'ont jamais donné de définition de ce qu'ils appellent un autre univers. Et quand on essaye, on s'aperçoit que dans certains des cas, on n'y arrive pas. Alors, ce n'est pas le cas, effectivement, des autres univers dont parle Hawking, puisque, comme l'a dit Christophe, ce ne sont pas du tout des autres univers, ce sont d'autres régions de l'univers qui sont très peu connectées à la nôtre. Et là, je pense qu'il y a une distinction qui est importante à faire, c'est l'idée d'univers à distinguer de l'univers observable. Parce que, du fait de la vitesse de propagation finie de la lumière et puis de tous les signaux en général, nous n'avons accès qu'à une partie de notre univers. On n'a pas du tout accès à la totalité de l'univers. Ça veut dire qu'il y a des régions de notre univers qui sont en dehors de notre univers observable. Il y a une espèce de limite qu'on appelle quelquefois l'horizon qui correspond au moment où on ne peut plus observer les choses, disons en simplifiant parce qu'elles sont trop loin, mais elles existent. Ce n'est pas parce qu'à un endroit, les galaxies sont trop loin pour qu'on les voit. En gros, la lumière n'a pas eu le temps de parvenir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc, est-ce qu'on va dire qu'elles sont dans un autre univers ou est-ce qu'elles sont dans notre univers? Bon, alors clairement, elles sont dans notre univers. Et une des raisons, c'est que si elles sont près du bord, elles peuvent influencer des galaxies que nous voyons. Donc il y a un lien qu'on va appeler un lien causal. Et les autres univers dont parle Hawking, autres univers donc qu'il faut mettre en guillemets, qu'on appelle quelquefois des bébés univers, des univers bulles, des choses comme ça, ce sont des régions qui, elles, sont très, très disconnectées, très, très loin. C'est-à-dire qu'ils non seulement ne sont pas dans la partie observable de l'univers, mais qui ne sont pas à côté non plus, donc qui ne peuvent pas influencer directement notre univers observable, mais qui peuvent influencer un morceau de l'univers qui a influencé un autre, etc. Mais du point de vue strict, ça fait complètement partie de notre univers parce qu'il y a un lien causal entre ces choses-là, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais, nous, les observer. Pour le moment, en tout cas, c'est ce que vous disiez, Christophe Gelfard, le point de disjonction entre l'univers et le multivers, c'est ce qui n'est plus dans le domaine de l'observable. On entend bien que c'est un problème qui pose, enfin, que c'est un sujet qui pose un certain nombre de problèmes en physique théorique, en astrophysique, en mécanique quantique, à plein d'endroits de la physique. Si vous voulez, l'idée de base du travail de Hawking dans cette direction-là en particulier est la suivante. C'est que on sait depuis quand même maintenant près d'un siècle qu'il existe autour de nous des lois qui décrivent le fonctionnement des particules qu'on appelle la physique quantique. Bon, bah, cette physique quantique, elle est très spéciale et elle nous a fait découvrir certaines propriétés de la matière qu'on ne comprenait pas et qui dit en particulier que ce qu'est une particule n'est pas ce qu'on imaginait avant. Ce n'est pas une petite boule solide, c'est quelque chose qu'on appelle, ça a une fonction d'onde, un état, sorte, quelque chose qui est étalé dans le temps et qui, depuis notre perception à nous macroscopique, pourrait avoir plusieurs interprétations possibles. C'est très compliqué après d'interpréter. Mais en tout cas, il peut y avoir plein de choses en même temps. Bon, notre univers est fait de matière et d'énergie qui obéissent à ces lois quantiques. L'idée de base du travail dans cette direction, une fois de plus, de Hawking, c'est que notre univers en entier doit être quantique et donc il doit obéir lui aussi à une fonction d'onde, il doit avoir un certain état. L'idée de ce genre de travail, de travaux, c'est de trouver un moyen de comprendre l'état global de notre univers et du coup d'en décrire son évolution totale. C'est ce qu'on appelle la cosmologie quantique. C'est-à-dire qu'on part d'une idée quantique et on essaie de retrouver l'état de notre univers tel qu'on le voit aujourd'hui. Bon, ben ça, c'est louable, disons, comme initiative. C'est quelque chose d'assez récent. De réussir intellectuellement à comprendre ou à tenter de comprendre notre univers en entier depuis sa création, quoi que ça veuille dire, même si c'est un mot mathématique, disons, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui date des années 1980. Avant ça, personne ne s'y était frotté, personne n'avait eu l'idée même de savoir comment commencer ce genre de choses. Parce que en science, en gros, ce qu'on essaye de faire en physique, ce qu'on essaye de faire, c'est de prédire des choses. Du coup, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est de trouver des lois qui nous disent comment les choses évoluent et de savoir d'où ça part. Les équations de Newton universelles dont parlait Marc il y a quelques secondes, on a une équation qui nous dit, si vous partez d'ici, vous irez là-bas. Pour l'univers, on peut essayer de mettre pour l'évolution les lois qu'on connaît, mais on part d'où ? On part de quoi ? Eh bien, c'est cette recherche d'un état quantique initial de notre univers à laquelle s'est attelé Hawking. Et on parlera peut-être dans quelques instants plus précisément de ce que signifie son article. Bien sûr, on va y revenir. Peut-être un dernier mot pour conclure, pour boucler cette introduction. On lit beaucoup dans la littérature foisonnante que l'on peut trouver à propos de ces multivers. Souvent, pour les partisans, pour les théoriciens qui développent un certain nombre de théories, notamment sur les multivers cosmologiques, l'idée selon laquelle, finalement, il fut bien à une période impossible de concevoir un univers héliocentrique, et ça a été un bouleversement paradigmatique d'ampleur que d'imaginer que la Terre n'était pas au centre de l'univers, et parle aujourd'hui des multivers de la même façon, en disant aujourd'hui, comme vient de le dire Christophe Galfard, eh bien on a bien découvert des propriétés étranges, notamment en physique quantique. Finalement, le multivers est la prochaine étape de notre conception de l'univers, de notre décentrement de l'univers. Qu'en pensez-vous, Marc Lachaiserey? Je crois que c'est une analogie très trompeuse et très dangereuse, parce que effectivement, on peut voir que les atomistes grecs et puis ensuite ceux qui ont repris à la Renaissance comme Giordano Bruno, etc., parlaient d'autres mondes, et ces autres mondes, d'une certaine manière, qui à l'époque étaient hypothétiques, on les a découverts, c'est les autres systèmes solaires autour des autres étoiles, les autres galaxies, etc. Donc, il y a effectivement une analogie un peu simpliste qui consiste à dire, bah, l'univers, il n'y en a qu'un, et on peut essayer de se dire la même chose. Le problème, c'est que c'est pas du tout la même chose, parce que la notion d'univers dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment le cadre de notre physique. Et bon, il est unique, comme je l'ai dit, mais il y a aussi quelque chose d'important dans l'univers, c'est la notion d'universalité des lois. C'est-à-dire que si on veut faire de la physique, on cherche des lois qui sont universelles. Et le mérite de Newton, précisément, c'est d'avoir mis en évidence la première loi universelle, qui est la loi de la gravitation universelle, la loi de l'idynamique universelle. Et si on fait de la physique aujourd'hui, c'est parce qu'on pense qu'il y a des lois universelles, celles de l'électromagnétisme, de la gravitation. D'ailleurs, c'est là qu'on peut voir souvent une contradiction chez les gens qui parlent d'univers multiples, parce qu'ils disent, ouais, dans ces autres univers multiples, on applique quand même certaines des lois de la physique, parce que sinon, on ne peut rien dire. Donc, malgré tout, ils font rentrer, sans le dire, sans le vouloir, ces univers multiples dans le cadre de notre univers. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin du concept d'univers pour faire de la physique. Et si on en sort, ou si on le modifie sans prendre des précautions et redéfinir un nouveau cadre, on ne fait plus de la physique. Et effectivement, il y a beaucoup d'autres univers qui sont issus de l'imagination des gens. Par exemple, on peut imaginer un univers où la constante de gravitation aurait deux fois la valeur qu'il a. Vous pouvez vous amuser à voir comment se formeraient les étoiles, les planètes, etc. Et puis, voilà, vous avez imaginé un autre univers, mais ça ne veut pas dire qu'il existe. Parce que chaque fois que vous lisez un roman, chaque fois que vous rêvez, c'est un autre univers. Mais ça n'a rien à voir avec la physique, c'est ça que je veux dire. Christophe Galfard, sur cette analogie, qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une analogie... Est-ce qu'elle est trompeuse ? En tout cas, c'est une analogie qu'on ferait ici, a priori. C'est-à-dire, comme l'a dit Marc, c'est avant d'avoir détecté d'autres planètes ou d'autres univers, etc. Ce qui est un peu compliqué. Mmh. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord que ça sorte de la physique. Dans le sens où, une des visions de la physique que je partage avec Hawking, par exemple, c'est que c'est une sorte de cadre qu'on essaye de mettre sur la réalité. Ce n'est pas forcément la réalité, mais c'est la meilleure approximation qu'on puisse avoir à un moment donné dans l'évolution humaine, disons. Les lois de la nature, lorsqu'on en trouve certaines, comme la physique quantique, comme la gravitation de Newton ou d'Einstein, etc., nous font découvrir des pans de la réalité qu'on connaissait pas. Du coup, on se dit, en vérifiant et en voyant que c'est correct, on se dit, ah, bah, on a peut-être touché quelque chose de vrai, là, enfin, vrai, j'en sais rien, mais de quelque chose de troublant. Mmh. Et la curiosité nous mène à essayer d'aller un petit peu plus loin et à voir ce que ça signifie. Alors, c'est en partant de cette idée qu'on a découvert au départ qu'ont été amenées au départ les idées d'univers parallèle. C'est en essayant d'appliquer au maximum les théories existantes qui, d'une certaine manière, étaient des solutions à des problèmes connus. En faisant ça, on tombe sur des univers parallèles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que la théorie s'arrête avant? Ça, on ne sait pas encore, mais on saura peut-être un jour, on saura peut-être jamais, mais en tout cas, c'est là qu'on creuse. Mmh. Et il y a, par exemple, sur les quatre types d'univers parallèles qu'on pourrait connaître, dont ceux dont parlait, oui. Répertoriés, dont ceux dont parlait de Marc ou ceux dont parle Hawking ou ceux dont parlent encore d'autres personnes encore, il y a plein de choses. Il y a ceux d'Everett dont a parlé. On va y revenir dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Oui, à 16h16, on avance et on parle de ces univers multiples, de ces univers parallèles, de ces univers bulles, du multivers. La terminologie est multiple parce qu'elle décrit de multiples réalités. Nous en parlons avec Marc Lachiezeret, qui est astrophysicien, et Christophe Galfard, docteur en physique théorique. Alors, peut-être il est intéressant de voir comment ces conceptions se présentent dans l'histoire de la physique et comment elles arrivent au fur et à mesure de l'évolution, justement, et de la conception, de la compréhension du monde physique. Est-il vrai de dire que la première apparition, la première conception de ce multivers, de monde multiple exactement, est celle d'Everett en 1957, qui serait donc finalement la première fois que le multivers surgit, c'est par la physique quantique, Marc Lachiezeret. Alors, c'est comme ça que certains appellent aujourd'hui les travaux d'Everett, donc du milieu du XXe siècle. C'est un contresens, mais je vais le dire après. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que cette idée de multivers ou d'autres univers qu'on associe à Everett n'a rien à voir avec l'idée d'autres univers selon Hawking. C'est-à-dire, selon Hawking, ce qu'il appelle autres univers, et beaucoup d'autres aussi, dans le cadre de cette approche de l'inflation, ce seraient des autres parties, comme l'a dit Christophe, des autres parties de notre univers mal connectées, très lointaines, etc. L'idée d'un autre univers du point de vue quantique, ça serait que chaque fois qu'on effectue un certain processus qu'on appelle le processus de mesure en physique quantique, qu'on comprend très mal, pour ça que les autres univers, ça serait une interprétation proposée, chaque fois, dans des circonstances où on a 50% d'avoir pile et 50% d'avoir face dans une sorte de tirage au hasard. Oui, on a parlé. Donc, à ce moment-là, comme on ne peut pas prédire les choses, l'idée que défendent certains, c'est qu'à ce moment-là, l'univers, notre univers, se scinde en deux univers complètement distincts, l'un dans lequel le résultat est pile et l'autre dans lequel le résultat est face. Bon. Dans lequel le chat vit, l'autre lequel dans le chat est mort. Alors, on pourrait dire ça comme ça également en parlant du chat de Schrödinger. Bon, le problème, c'est que ça n'est pas du tout ça l'interprétation d'Everett, d'une part. Deuxièmement, je ne connais aucune formulation cohérente en termes d'autres univers. Et souvent, on parle d'autres univers à propos de l'interprétation d'Everett parce que, d'une certaine manière, ça ressemble un petit peu. Mais aujourd'hui, je ne connais pas de physicien qui travaille en physique quantique dans les interprétations et qui parle d'autres univers. Parce que si on voulait faire ça, alors par exemple, vous avez une expérience où vous avez 50% de chance d'avoir pile, donc vous pouvez dire, c'est assez logique, l'univers se scinde en deux. Le problème, c'est que vous pouvez avoir une expérience où vous avez 99% de chances d'avoir pile et 1% de chance d'avoir face. Dans ce cas-là, vous allez dire aussi, l'univers se scinde en deux. Oui, mais comment dire qu'il y a un univers qui existe de 99 fois plus que l'autre ? Sauf que là, on parle du principe de mesure d'un phénomène quantique, c'est-à-dire de l'observation. C'est à partir du moment où, en fait, ce que postule Everett, je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, mais Christophe Gelfard, c'est-à-dire à chaque fois qu'un système quantique rentre en interaction avec un système relativiste classique, se produit une bifurcation. C'est ça la théorie d'Everett. La théorie d'Everett, non, c'est pas exactement ça. Non, mais allez-y, justement, vous êtes d'accord. Mais c'est pas très grave. L'idée d'Everett, c'est que cet ensemble de ce que nous on appellerait à notre échelle, cet ensemble de possibles, il n'y a pas de raison qu'il y ait des possibles qui disparaissent une fois ils ont été là à un moment donné. C'est l'idée que la théorie quantique ne fait pas disparaître quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un peu le rien ne se perd, rien ne se crée, reformulé. S'il y a plusieurs possibilités qui ont lieu en même temps dans le très petit et qu'on fait une expérience et qu'on n'en voit plus qu'une, eh ben, les autres possibilités ne peuvent pas avoir disparu. Elles sont forcément soit elles se sont diffusées dans notre réalité à nous, soit elles sont ailleurs dans un univers parallèle, à défaut d'autres terminologies. On pourrait dire ce genre de choses. C'est un petit peu ça la base d'Everett. Et elle est partie de... Enfin, je sais pas si c'est parti. Si vous voulez, je peux essayer de recadrer en quelques instants les quatre types d'univers parallèles, comme ça on voit où ça se place. Si vous voulez, bien sûr, allez-y. Fois. Le premier type d'univers parallèle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec notre horizon. L'horizon dont parlait Marc. On regarde loin dans l'univers, on peut voir que jusqu'à une certaine distance, comme un marin sur l'océan, on peut pas voir plus loin. Bon, il y a peut-être d'autres gens qui sont au-delà de ça, qui ont un autre horizon, qui n'a rien en commun avec nous. C'est un premier type d'univers parallèle, de multivers. On pourrait éventuellement communiquer avec eux si on avance et s'ils ne s'éloignent pas trop plus vite que la lumière. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Il faudrait que notre univers arrête d'être en expansion, oui, que ça se recontracte, oui, et puis là, on pourrait éventuellement être en contact avec eux. Ça, c'est le premier type. Deuxième type, c'est plus grand que celui-là. C'est-à-dire que dans ce type-là, on a un univers qui est né avec des parties qui seraient ou qui peuvent pas communiquer. Là, je parle d'un autre univers complet avec toutes ses parties à l'intérieur qui aurait son propre Big Bang à lui. C'est là-dedans que se place le papier de Hawking. C'est à l'intérieur de celui-là. Et je dirais deux choses là-dessus dans deux secondes. Le troisième type d'univers, c'est à l'intérieur de tous ces univers-là, de tous les endroits à l'intérieur de tous ces univers-là, où il y aurait, comme Everett, à chaque fois qu'une décision doit être prise, ou à chaque fois que plusieurs possibilités auraient lieu, il y aurait scission et plein d'univers parallèles. Et il y en a un dernier, disons, c'est celui auquel faisait référence Marc il y a quelques instants, c'est celui dans lequel... c'est philosophique, hein, quasiment, ou pire, c'est-à-dire que c'est toutes les théories mathématiques existantes correspondraient à un univers quelque part qui n'est pas le nôtre, mais bon, et après il y a ceux qui ne correspondent même pas à des théories mathématiques. D'accord. La théorie d'Hawking se place à l'intérieur du deuxième cas, dans un cas où il y aurait plein de Big Bang partout. Le papier qu'il a publié l'été dernier avec Hertog, c'est pour essayer de voir si on prend une certaine tranche d'univers quelconque. Hein, on imagine tous les univers possibles et on prend une tranche d'univers quelconque. Quelle est la probabilité pour que cet univers-là ressemble au nôtre ou pas du tout? Et le papier qu'il a publié, qui est une sorte de première étape dans cette direction, suggère que notre univers, un univers tel que le nôtre, est beaucoup plus probable que ce qu'on pensait avant. Voilà, donc ça nous remet un petit peu, si on repart de Copernic et ce genre de choses, ça nous remet dans un endroit où on est plus probable, où il y a plus de chances qu'on existe qu'on n'existe pas. Donc est-ce que, voilà, c'est à ça que correspond ce papier-là. D'accord. Donc si on reprend le fil de la découverte, de la conception, parce qu'il n'y a pas de découverte évidemment, de la conception de ces univers multiples, cet univers d'Everett, il est très vite, il fait pas du tout l'unanimité. Ce que je veux dire, Marc Alfiodrès, c'est qu'il est très vite contesté. C'est même pas ça, c'est que... Il n'y a pas de théorie de multi-univers d'Everett. La théorie d'Everett, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué qui fait intervenir, disons, une certaine polarisation, pourrait-on dire, de la conscience de l'observateur. Enfin, c'est quelque chose d'assez sophistiqué et qui fait intervenir l'observateur. Alors, Le problème, c'est que quand on a un état quantique, même que ça soit pour une particule ou que ça soit pour l'univers dans son ensemble, on ne peut pas le décrire avec les concepts de la physique classique qui sont finalement nos concepts de particules localisées d'un espace-temps bien défini si on veut faire intervenir la géométrie, etc. Donc, si on veut absolument utiliser finalement les mauvais concepts pour décrire une situation quantique, on est coincé, on n'y arrive pas. Et donc, dans ces cas-là, les gens vont dire, par exemple, la particule, quand on fait une certaine expérience, elle est passée par deux endroits à la fois. Et d'autres vont dire, bah, il y a deux univers, un univers où la partie... Bon, je ne connais personne qui soit arrivé à donner un sens à ça. En revanche, si vous dites, il faut abandonner les concepts classiques pour définir ce qui se passe en physique quantique et utiliser les concepts quantiques qui sont bien définis et qui sont actuellement en cours de raffinement. Il y a beaucoup de papiers très intéressants qui, justement, prennent un point de vue qui n'est pas du tout celui des univers multiples, mais plutôt des histoires multiples. On appelle ça aussi les histoires des cohérents, etc. On arrive à une description parfaitement cohérente, qui, bien sûr, n'est pas conforme à notre intuition, parce que il n'est pas question de rendre la physique quantique conforme à notre intuition. On n'y arrivera jamais, puisque notre intuition, elle est fondée sur nos impressions, et le monde autour de nous, il se comporte, en tout cas, comme un monde classique. Soit qu'il soit vraiment complètement classique, soit qu'il le soit à une très bonne approximation. Donc, cette idée d'univers multiple, je pense qu'on ne peut pas l'admettre, et d'ailleurs, les philosophes non plus ne l'admettent pas, sauf... Bon, c'est vrai qu'il y a certains philosophes qui en parlent, mais on s'aperçoit qu'ils connaissent assez mal la physique quantique. Vous en entendrez un tout à l'heure, vous nous direz ce que vous en pensez. Juste une seconde pour revenir sur ce que Marc disait. Une des particularités de ces recherches qui ont à voir avec l'inflation, le dernier papier de King, etc., c'est d'essayer de récupérer un univers classique, celui dont parlait Marc à l'instant, celui dont notre intuition a conscience, à partir d'un univers qui était quantique au départ. Et ça, c'est pas facile. Oui, justement, ça, c'est un problème qui se pose aussi avec les modèles d'inflation. Mais aujourd'hui, quand on a une théorie quantique, on sait appliquer cette théorie quantique à des particules, à des atomes, à des petits systèmes. Et effectivement, il y a une démarche que Christophe a mentionnée qui s'appelle la cosmologie quantique, où on essaye de l'appliquer à l'univers entier. Donc, si vraiment l'univers est quantique, comme beaucoup de physiciens le pensent, et en tout cas, on essaye de construire des théories de ce genre, ça veut dire qu'il faut vraiment considérer l'univers comme un objet quantique, avec par exemple un espace-temps, c'est-à-dire des propriétés géométriques de l'espace et du temps, qui ne sont pas définies au niveau classique. Donc si vous insistez pour utiliser les concepts classiques, c'est-à-dire définir l'espace-temps quantique avec les concepts de l'espace-temps classique, vous n'allez pas y arriver, donc vous allez être obligé de dire l'univers est une superposition d'espace-temps classique. Comme si vous disiez la particule quantique, on la voit comme une superposition de particules classiques qui existeraient à plusieurs endroits à la fois. Bien sûr, en tant qu'image, ça peut aider à comprendre les choses. Mais c'est pas parce qu'on parle de l'univers plutôt que de la particule qu'il faudrait croire que ces univers, ces autres univers existent. Non, il n'y a qu'un univers, c'est un univers quantique, et une manière de concevoir l'univers quantique, c'est un petit peu comme si on disait il y a plusieurs univers classique superposé, de la même manière qu'on pourrait voir, mais c'est très trompeur aussi, la particule quantique comme une particule classique qui serait à plusieurs endroits à la fois. Christophe Guelfard. C'est là que justement je trouve que toutes ces idées, en tout cas dans les théories de l'inflation, toutes ces idées d'univers parallèle, multivers, etc., sont une théorie scientifique. Dans le sens où... C'est autre chose en tout cas. Oui, mais dans le sens où il y a potentiellement des vérifications expérimentales qui peuvent contredire ou pas l'existence de certaines parties. Vous disiez il y a deux secondes que l'aspect classique, c'est-à-dire que ça passe soit à droite, soit à gauche, etc., on ne peut pas l'appliquer à la physique, à notre univers quantique globalement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, si c'est ce que vous avez voulu dire, parce que, par exemple, on sait que certaines trajectoires, disons, ont une contribution plus forte que d'autres. Bien sûr. Ces trajectoires peuvent ne pas être uniques, et vu qu'on ne sait pas faire la somme de toutes les trajectoires possibles dans le cadre de notre univers, on regarde celles qui sont importantes, ce qui correspond, au final, à aller à droite et à gauche en même temps. Mais ça peut avoir un impact sur des expériences. On va revenir sur un autre, puisque vous aviez fait la liste tout à l'heure, Christophe Galfard, des différents types de conceptions de ces univers multiples. On va parler de celui que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir celui de l'inflation cosmique. Et on va voir qu'on parle là aussi d'une forme de conception des univers multiples très différente de celle dont on vient de parler de la physique quantique. Pas forcément à Princess of the Universe quand on pense à Queen, et pourtant bien, c'était l'occasion de réécouter ces morceaux du groupe en attendant le prochain biopic qui lui sera consacré, puisque nous parlons des univers multiples tout au long de cette heure en compagnie de Marc Lachiezeray et de Christophe Galfard. Alors comme vous l'avez entendu dans la première partie, il y a effectivement différents types de conceptions de ces univers multiples, et comme on a choisi de pas tout à fait se simplifier la tâche face à cette dimension vertigineuse, eh bien on va rajouter une couche, on va sortir de la physique stricto sensu pour s'approcher de la philosophie. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Dieu sait s'il existe, s'il nous écoute, qu'il n'est pas toujours simple de faire dialoguer physique et métaphysique. Oui, et pour ça, j'ai rencontré Max Kissler, qui est professeur à l'Université Paris 1 et directeur de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Il y a quelques années, Max Kissler dialoguait avec Jean-Philippe Usan, Aurélien Barraud et Patrick Gigère dans le livre « Multivers, monde possible de l'astrophysique, de la philosophie et de l'imaginaire » paru aux éditions La Ville Brûle. Max Kissler nous explique en quoi la notion de monde possible, pensée par les philosophes, évolue en parallèle des interrogations sur les univers multiples, et comment cet échange peut s'avérer riche, notamment quand la théorie quantique propose son interprétation de la notion de multivers. En philosophie, il y a d'une part un usage relativement peu controversé de ces outils pour faire ce qu'on appelle la sémantique, c'est-à-dire pour analyser le contenu de certains énoncés, comme « il est possible que je prenne le bus, mais il est aussi possible que je prenne le métro ». Et donc, pour expliquer exactement ce que signifie ce genre d'énoncé, on utilise les mots possibles, mais après, il y a un débat philosophique pour savoir s'il y a aussi une interprétation métaphysique de ces possibilités, au sens où ce serait peut-être pas seulement des outils formels pour expliciter le contenu de certains énoncés, mais si on peut aussi prendre au sérieux l'existence de possibilités. Et là, il y a un grand débat entre des philosophes qui considèrent que ces possibilités ne sont que des constructions ou des fictions, c'est-à-dire il n'y a qu'un monde, il n'y a qu'une réalité. Et si j'envisage des possibilités parce que j'hésite entre deux actions que je dois entreprendre, donc je ne sais pas si je dois prendre le bus ou le métro, j'envisage des possibilités, mais ces possibilités n'existent que grâce aux propositions et aux phrases que je peux construire avec le langage. Donc c'est uniquement grâce à la possibilité du langage de combiner les mots de différentes façons qu'on engendre ces différentes possibilités qui sont donc des fictions. Ça, c'est la position majoritaire qui dit que c'est un outil conceptuel. C'est nous, les humains, grâce au langage, qui créons les possibilités. S'il n'y avait pas d'humains, s'il n'y avait pas de langage, il n'y aurait pas de possibilités, il n'y aurait pas de monde possible, il n'y en aurait qu'un seul qui est le monde réel. Mais face à ça, il y a une doctrine qui est minoritaire, qui est défendue par le philosophe américain David Lewis. Et cette position consiste à dire que les mondes possibles, tous, sans exception, sont aussi réels que le monde actuel. Donc le monde actuel n'est qu'un parmi d'autres qui n'a de particulier que ceci que nous y sommes. Mais à part ça, il n'est pas plus réel que d'autres mondes possibles en nombre infini. Alors, à partir de cette notion de monde possible utilisée par les philosophes, comment vous dialoguez éventuellement avec les physiciens sur cette question des univers multiples et comment cette notion permet de créer des ponts entre la physique et la philosophie? Alors, un pont assez direct entre le concept de monde possible tel qu'il est utilisé par les philosophes et les physiciens et l'interprétation de la mécanique quantique. On a là un problème qui est à la fois scientifique et philosophique, où on a une théorie qui est difficilement compréhensible, même d'un point de vue scientifique, au sens où on rencontre ce qui apparaît comme des paradoxes. Du coup, il existe des tentatives de faire disparaître ces paradoxes et donc de construire des interprétations de la théorie qui est la mécanique quantique. Et l'une des interprétations qui a été avancée fait appel à des mondes possibles. C'est une interprétation qui a été inventée par un physicien qui s'appelle Everett dans les années 50. Et elle consiste à dire que lorsqu'un système quantique qui est dans un état superposé, donc un état qui ne correspond exactement à aucune mesure observable bien déterminée, quand ce système est soumis à une mesure, il va se déterminer pour l'une des possibilités qui n'étaient auparavant que des potentialités. Et dans l'interprétation standard classique de la mécanique quantique, on dit le système s'écroule, les possibilités différentes qui existaient avant la mesure, il n'y en a qu'une qui persiste. Et donc après la mesure, il n'y a plus plusieurs possibilités, mais une seule. Et les autres, ils ont simplement disparu. Dans l'interprétation des mondes multiples qui a été inventée par Everett, les mesures conduisent à des bifurcations ou des multifurcations, c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend une mesure sur un système qui est dans un état indéterminé entre plusieurs possibilités, chacune des possibilités existe dans un monde qui commence à exister au moment de la mesure. Et donc il y a autant de mondes après la mesure qu'il y a de résultats possibles. Alors il me semble qu'il y a certaines questions qui pourront certainement passer de la métaphysique à la physique. Par exemple, la question de la nécessité des lois, qui est quelque chose qui m'a intéressé, où il y a d'une part les philosophes qui disent les lois de la nature telles que nous les avons dans le monde actuel, qui disent par exemple que les objets en chute libre tombent avec une accélération constante, ou que la masse d'un objet est conservée. Toutes les lois de la nature qu'on découvre dans les sciences, elles ne sont que contingentes. C'est-à-dire, il y a les philosophes qui disent, il est vrai que dans notre monde, on a découvert que les choses, quand ils sont en chute libre, tombent avec une accélération constante, mais ça aurait pu être différent. Donc il y a un monde possible où cette accélération n'est pas constante. Donc ça, c'est les philosophes qui disent, les lois de la nature sont contingentes et ils auraient pu être autrement que ce qu'elles sont. Et d'autres philosophes pensent que les lois de la nature sont nécessaires au sens où il ne peut pas y avoir de chute libre ou d'objet avec une masse dans un champ qui tomberait autrement qu'avec une accélération constante. Donc les propriétés des objets, avoir une masse et être dans un champ, vont ensemble avec les lois et les deux sont inséparables. Et en ce sens, les lois sont nécessaires puisqu'elles existent dans tous les mondes où il y a les propriétés en question. Mais sur ce point, peut-être, si les physiciens faisaient un progrès dans la direction d'une détermination expérimentale des multivers, on pourrait transformer ce débat scientifique où on trouverait par exemple qu'effectivement il y a des multivers où les lois sont différentes que dans notre environnement et au-delà, dans d'autres univers qui existent ailleurs, les lois sont autres que celles qu'elles sont chez nous. Et donc là, cette thèse deviendrait scientifique après avoir été purement métaphysique. Une réaction l'un et l'autre, Marc Lachiezeray, Christophe Galfard, à ce que vous venez d'entendre. On termine sur la possibilité, on va en parler dans un instant, hein, d'une preuve observationnelle qui est encore très très hypothétique, mais néanmoins, est-ce qu'à un moment donné, on peut finir par retrouver, évidemment, il est normal que ce concept de multivers ait intéressé, passionné la philosophie, est-ce qu'on peut retrouver ce point de jonction entre cette conception des mondes multiples qu'envisagent les philosophes et celui que pourraient un jour constater, observer les physiciens ? Marc Lachiezeray. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit ce philosophe, donc on ne va pas tout commenter. Moi, je suis en accord avec une très grande partie, notamment... Alors, il semble estimer que la notion d'univers multiple et de multivers constitue un pont de nature nouvelle entre la métaphysique et la physique, mais pour moi, ce pont a toujours existé, et il est même à la base de la physique. C'est-à-dire, chez Newton, il y a de la métaphysique pour introduire l'univers, pour introduire justement l'univers, l'espace et le temps. Chez Einstein, il y a de la métaphysique. Enfin, il y en a toujours, et il n'y aurait pas de physique sans métaphysique. Bon, alors, évidemment, ces questions-là sont renouvellent peut-être un débat. Alors, moi, j'aime bien l'idée de Lewis, hein, que tous les univers existent, et c'est tout à fait intéressant qu'il ramène effectivement les autres univers de Everett mal interprétés, disons, parce que, encore une fois, cette interprétation en termes multivers, la physique quantique, je ne pense pas qu'elle tienne, enfin, il n'y en a aucune expression cohérente qui existe, mais justement, c'est très intéressant parce qu'il place ça, comme le dit Lewis, les univers des romans, ils existent. Les univers de nos rêves, ils existent. Les univers d'un film de science-fiction, ils existent. Les autres univers au sens d'Everett, ils existent. Très bien, moi je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la physique. Et ce que dit notre philosophe à la fin, là je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord. Parce que, par définition, aujourd'hui, de notre univers, c'est tout ce avec quoi on peut être en contact d'une manière ou d'une autre, qu'on peut observer, etc. Donc, s'il y a un autre univers, et si un jour on arrive à l'observer, à être en contact par l'intermédiaire de la lumière ou de je ne sais quel signal, puisqu'il y a un contact, ça veut dire que ça fait partie de notre univers. Donc, si on admet cette idée à la Lewis d'un autre univers, que moi j'admets tout à fait, hein, mais ça ne peut pas rentrer par définition dans le cadre de la physique, puisque tout ce avec quoi on peut interagir, c'est ce que nous utilisons comme définition de l'univers. Et d'ailleurs, si vous imaginez que vous observez quelque chose un jour, dont vous pensiez que ça serait dans un autre univers, comment vous l'observez ? Vous l'observez par l'intermédiaire, par exemple, de la lumière, d'un photon. Donc une lumière qui viendrait de l'autre univers. Mais ça voudrait dire que la lumière dans l'autre univers obéit aussi à des lois, notamment que la lumière existe. Et ça veut dire aussi que donc dans cet autre univers, il y aurait des lois qui ressembleraient aux nôtres. Et si dans cet autre univers, il y a des lois qui ressemblent aux nôtres, ça veut dire qu'il y a une espèce de méta-loi qui dit, sinon que les lois dans les autres univers sont les mêmes, qu'au moins il y a une espèce de méta-loi qui gouverne la distribution des lois dans les différents univers. Et dire qu'il y a une méta-loi, c'est dire qu'il y a un méta-univers, mais c'est exactement la définition de l'univers. Donc, ce que les gens appelleraient multivers, c'est simplement que c'est ce qu'on a toujours appelé l'univers. Et donc, ça se réduit à quelque chose qui est différents morceaux de notre univers. Christophe Galfard, sur le reportage ou sur cette notion du fait que, effectivement, si un jour, et on y reviendra, on peut éventuellement envisager une preuve observationnelle, le jour où cette preuve observationnelle arrive, c'est la fin du multivers et finalement juste l'extension d'une autre. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Marc là à l'instant. Après, ça devient une question de définition, comme c'est souvent le cas en philosophie. Qu'est-ce qu'on appelle l'univers ? Bon, si l'univers c'est ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne voit pas encore, qu'on verra demain, qui seront une extension de l'univers qu'on connaît, soit carrément correspondant à une réalité différente. Dans ce sens-là, on peut dire que le monde quantique, c'est un autre univers. c'est pas nos lois à nous, c'est les lois de, c'est loi de Newton. Chez nous, c'est les lois c'est de Newton. C'est ce que dit Aurélien Barreau aussi, hein, par ailleurs. Oui, bah, sûrement. je pense pas être le seul à penser. L'univers quantique, c'est notre univers, justement. Voilà, mais c'est notre univers à nous. Mais ça dépend où on se place. Est-ce que c'est les lois qui correspondent à notre ressenti à nous, à ce qu'on peut percevoir en tant qu'humain, à ce qu'on peut percevoir avec nos expériences, à ce qu'on peut percevoir en utilisant la lumière, à ce qu'on peut percevoir en utilisant la gravitation, où est-ce que ça se place, ou peut-être une autre force qu'on découvrira un jour, j'en sais rien. Je trouve pas ça super intéressant, en fait, ce débat de définition. Ce qui m'amuse, moi, plutôt, c'est l'idée qu'il y ait des choses auxquelles on n'ait pas accès. Et ça, je pense que ce serait possible de prouver qu'on n'a pas accès à certaines choses. Par exemple, ces horizons lointains. Je pense qu'il y a peu de scientifiques aujourd'hui qui douteraient qu'il existe des horizons dans notre univers qui soient au-delà du nôtre. Et ben ça, je trouve ça assez intéressant. C'est une chose de ne pas en douter et de réussir à le prouver. C'est pas la même chose. Mmh. Ça, je trouverais ça chouette. De réussir à faire ça. On peut, d'une certaine manière, y arriver. On peut éventuellement voir dans le fond diffus cosmologique, dans cette sorte de trace qu'on a du fin fond de temps reculé, peut-être qu'un jour on arrivera à voir qu'effectivement une partie de la réalité à laquelle on appartenait avant s'est détachée de la nôtre d'un point de vue échange. On voulait parler du cold spot du point froid, non, pas du non, tout. Non, c'est pas ça. Non, mais Christophe, pour répondre à ça, tu as tout à fait raison, mais ce sont des autres parties de notre univers. C'est juste la partie de l'univers qui est juste au-delà de ce qu'on peut observer. Donc, c'est une autre région et ça n'a absolument rien de notre univers. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une fois de plus, c'est une question de définition. C'est un peu presque en dehors du débat. C'est pour ça que je disais que les définitions, ça m'intéresse moins que cette idée de choses étranges qui seraient au-delà de notre perception aujourd'hui. Parlons un peu, parce qu'on l'a beaucoup évoqué, mais je crois qu'on ne l'a pas bien détaillé. Peut-être que vous pouvez le faire, Christophe Galfard. C'est intéressant de cette conception de Stephen Hawking, l'inflation originelle de l'inflation de l'univers et de ces univers bulles. Quelle est l'idée qui sous-tend en fait cette théorie-là? Alors c'est pas lui qui l'a inventé. Hein, bien sûr, théorie, mais... ça vient de Alan Guth. Non, il y en a même d'autres avant. Même ce dont je vais parler là, ça peut remonter à Groot, Englert et tout ça, ceux qui ont déjà eu le prix Nobel pour c'est les soviétiques aussi. Mais les soviétiques, Starobinsky et Vilenkin après Lin 2. Mais ça c'est après Guth. Mais il y a surtout Starobinsky qui est même Sakharov. Bon, alors qu'est-ce que moi outre les personnes qui l'ont formulé. L'idée de base, c'est on regarde l'univers. Est-ce qu'il y a des problèmes avec la théorie qu'on a aujourd'hui pour décrire ce qui est autour de nous? Eh bien oui, il y en a plein. Même si on utilise ce qu'Einstein nous dit par rapport à notre univers, il y a plein de mystères autour de nous. Je vous en donne un, mais il y en a vraiment plein d'autres. Hein. L'un d'entre eux, c'est si vous regardez le ciel au-dessus de votre tête et vous regardez le plus loin possible, vous allez voir une certaine température qui date d'il y a extrêmement longtemps. Vous allez regarder à l'autre point, vous allez regarder à l'autre bout de l'univers, dans l'autre sens, sous vos pieds en l'occurrence, donc vous faites le tour de la Terre et vous regardez dans l'autre sens, vers le bout de l'univers. Vous allez tomber sur exactement la même température à un cent millième, à une partie sur 100 000 près. Donc c'est vraiment identique, d'accord? Bon ben ça c'est pas possible, normalement. Parce que d'un côté de l'univers, on va avoir un endroit où la lumière a voyagé depuis la naissance de notre univers, de l'autre aussi, ce qui fait que pour que ces deux endroits aient communiqué, je le dis caricaturalement, il faudrait que ça ait voyagé depuis deux fois l'âge de l'univers. C'est caricatural, c'est pas ça le chiffre, mais disons ça. Ce qui n'est pas possible. Ces deux endroits n'ont pas pu être en contact, il n'y a pas de raison qu'elles aient la même température. Quand les scientifiques à l'époque ont découvert ça, ont vu ça, ils ont réalisé que pour que ça puisse être le cas, il aurait fallu qu'à certains moments, notre univers l'information se soit propagée à plus de 100 fois la vitesse de la lumière, ce qui est exclu par d'autres lois de la nature. Au lieu de ça, il y a une théorie qui est arrivée, une suggestion qui est arrivée, qu'on appelle l'inflation, qui dit que ce ne sont pas des informations qui ont été échangées, c'est les distances dans notre univers qui se sont étirées à une vitesse folle. Vraiment folle. Ce qu'on appelle l'inflation. Au tout début de l'univers. On va vous mettre, on avait fait une émission complète consacrée au tout début de l'univers où on a détaillé tous ces mécanismes de façon plus précise. Voilà. Et donc on a une sorte de méthode, de technique quantique, hein, en utilisant une nouvelle particule, un nouveau champ, disons, pour faire ça, qui serait avant l'apparition de notre matière à nous, avant l'apparition de ce qu'on connaît, nous. Bon, ce champ-là, ce champ qu'on va appeler l'inflaton, n'importe quoi, disons l'inflaton, c'est son nom, qui serait à l'origine une force de, une sorte d'antigravitation qui repousserait les distances, qui étirerait les distances. Ça, c'était au début. Puis ça marchait pas. Du coup, il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, etc., etc. Et on en est arrivé à une complexité assez dingue, mais qui répond à pas mal d'interrogations qu'on a sur notre univers. Donc la complexité d'aujourd'hui, ça aboutit au papier de Hawking. Alors Hawking n'était effectivement pas au début de cette aventure-là, mais c'est lui qui a organisé la première grande conférence à ce propos. Il y avait 10 personnes sur Terre qui travaillaient dessus. Il les a tous réunis en 1983 à Cambridge. Et c'est là qu'est née vraiment cette théorie de cosmologie quantique avec une quinzaine de personnes qui se sont réunies pour faire ça. Et à quel moment on reboucle sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir celle des univers multiples? Le problème avec ce champ quantique qui existait potentiellement, qu'on appelle l'inflaton un peu partout, il faut imaginer un univers qui est complètement vide, avec quelque chose qui fluctue un peu partout. Même ce quelque chose qui fluctue un peu partout, une sorte de fluide quantique bouger un petit peu comme ça dans toutes les directions, peut donner naissance à des Big Bang. En gros, à des expansions rapides par endroit de notre univers. Et entre un endroit et un autre, on peut avoir des expansions qui sont différentes et qui vont pas être exactement les mêmes. Et c'est là que chaque fluctuation différente à un endroit différent, et quand je dis endroit, c'est pas forcément avec l'espace et le temps qu'on connaît nous, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus vaste, avec ces bulles, comme disait Marc tout à l'heure, ou poches, comme Alan Guth appelle ça, disons bulles, qui apparaîtraient un petit peu partout. On a des bulles dans des bulles, dans des bulles, à côté de bulles, dans des bulles, dans des bulles. Bref, on a des bulles partout. Et pendant ce temps-là, l'univers continue à subir cette inflation exponentielle. Et certaines de ces bulles correspondent à... Enfin, l'une d'entre elles potentiellement, ou peut-être même une infinité d'entre elles correspondent à des univers tels que le nôtre, potentiellement... Enfin, la plupart d'entre elles peuvent s'effondrer sur elles-mêmes et disparaître. Certaines n'apparaissent pas. Enfin bref, on a un peu toutes les possibilités qui arrivent dedans. Et une fois de plus, c'est là-dedans qu'intervient le dernier papier de Hawking, qui essaye de calculer, de trouver une sorte de probabilité pour que sur toutes ces bulles possibles... Est-ce qu'on a réellement une infinité quasi de bulles qui dit tout et n'importe quoi? Ou est-ce qu'on a des bulles comme la nôtre, avec un espace-temps classique qui apparaît à l'intérieur? Et il semblerait, d'après des petits calculs qu'ils ont faits dans des cas extrêmement particuliers, que des univers classiques tels que nous, on le connaît, enfin un univers classique tel que nous, on le connaît, serait peut-être plus probable que les autres. Marc Lachaiserais, pour reboucler cette émission et pour un mot sur cette théorie-là. Pour moi, c'est pas du tout les univers multiples, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous avez une rivière et puis des tas de tourbillons. Nous, on est dans un tourbillon et tout ce qu'il y a à l'extérieur du tourbillon, on peut pas y avoir accès, mais il y a d'autres tourbillons. C'est ça qu'on appelle les autres univers, sauf que ce n'est pas des tourbillons, c'est des poches qui peuvent être en inflation. Et chacune de ces poches, qui pour nous n'est pas observable, si on était dedans, nous apparaîtrait comme un univers observable. Donc on appelle ça souvent des autres univers d'une manière un petit peu exagérée, disons, un petit abus de langage, mais qui maintenant est courant. Et bon. Mais le problème, c'est que cette théorie d'inflation, là, tu l'as représentée de la manière idéalisée dont beaucoup de gens le répètent, mais il est apparu maintenant assez clairement que, premièrement, il n'y a pas de théorie d'inflation aujourd'hui, parce que l'inflaton, on essaye de trouver, bien sûr, on ne le trouve pas, mais d'un autre côté, on n'arrive pas à exprimer de manière cohérente les propriétés qu'il devrait avoir. Ensuite, on s'est aperçu que l'inflation, quand même, ne résolvait pas les problèmes qu'elle était censée résoudre, c'est-à-dire ce problème que tu as mentionné et d'autres. Donc, ça marche pas si bien que ça. Alors, ça n'empêche que c'est une idée intéressante et à poursuivre, mais de là à en faire une espèce de branche de la physique où on spécule sur les spéculations, etc. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Hawking, mais je regrette un peu qu'il soit laissé entraîner à ça, quoi. Les grands hommes ont leur faiblesse. Pour moi, c'est un sujet qui sort complètement de la physique, parce que effectivement, c'est partie de l'univers. Elles seraient, si elles existent, elles sont tellement déconnectées que là, on n'aura jamais de contact avec elles. Sauf dans certains modèles, dans 50 milliards d'années. Bon, il y a des calculs très rigolos qui disent qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que dans 50 milliards d'années, on va rentrer en contact. Voilà, même. Bon, d'accord. Mais c'est de la spéculation, quoi. C'est très très spéculatif, Christophe Gelfard, tout ça. Bah, pas tant que ça. Sur les dernières parties de ce que j'ai dit, évidemment, là on est sur de la spéculation, mais tout ce qui est physique théorique dans la recherche, au-delà des lois, de ce qu'on a découvert, est spéculatif. Tant qu'il n'y a pas d'expérience qui est faite, c'est de la spéculation. Ouais. Mais c'est pas si dénué de sens ou d'intérêt, parce que c'est de ce genre de considération que Hawking, Starobinsky, Sakharov et tout ça, on prédit, avant qu'on les voit, les fluctuations dans le fond diffus cosmologique. Les fluctuations quantiques, prédit l'origine de ces fluctuations qui viendra à partir de fluctuations quantiques. Ça a été prédit dans les années 50 et 60, au tout début de la notion même de cosmologie quantique potentielle. C'est bien avant l'inflation. L'inflation, c'est les années 90. Non, je sais bien, mais c'est pas que l'inflation. L'idée que on puisse avoir une vision quantique de l'origine de notre univers a débouché d'une certaine manière sur l'inflation, qui s'avérera être correcte ou non. Mais ça fait partie d'une grande recherche, je pense, sur l'histoire de notre univers. Un mot de conclusion, on en parle beaucoup. Est-ce que ça a un sens d'espérer, alors peut-être pas une preuve observationnelle, mais en tout cas d'inférer à partir d'une observation? Je ne sais pas, je pense par exemple à LISA, si on arrive à détecter des ondes gravitationnelles primordiales, est-ce qu'on va pouvoir peut-être confirmer, renforcer une de ces théories, Christophe Gelfard, qu'en pensez-vous, ou sur d'autres types d'expérimentations ou d'observations, pour en tout cas ce qui est de ces univers multiples dans leur acception cosmologique? Alors là, pour le coup, sur le coup des ondes gravitationnelles, je rejoins entièrement ce que Marc disait, c'est que si on détecte quelque chose à partir des ondes gravitationnelles, ça fait partie de notre univers à nous. Primordial. Je parle des ondes gravitationnelles. Oui, d'accord. Si on arrive à en détecter, primordial, ça fait partie de notre univers à nous. En revanche, si par exemple on arrive à fabriquer un trou noir au CERN avec des énergies pas loin de celles qu'on a aujourd'hui, ou si on avait réussi à en fabriquer un, ça aurait été une grosse indication qu'il existe des dimensions supplémentaires. Et là, ça nous donne foi dans une autre catégorie de recherche, etc., qui peut là aussi déboucher sur des univers parallèles, etc. Et la théorie des cordes, en l'occurrence. Par exemple. Par exemple. Marc Lachaiseret. Bon, moi je suis pas d'accord avec cette dernière affirmation. C'est-à-dire si on avait, il y a un régime qu'on connaît pas. C'est-à-dire si on crée un trou noir en accumulant beaucoup d'énergie d'une manière ou d'une autre, ça nous donnera des indications sur cette physique des hautes énergies qu'on ne connaît pas. Et il y a des théories en concurrence, dont peut-être la théorie des cordes, encore que beaucoup pensent qu'elle est plus tellement d'actualité, Et de toute manière, même si on découvrait qu'il y a quelque chose qui nous indique qu'il y a un nombre de dimensions plus grand, ça serait un nombre de dimensions plus grand à notre univers, c'est pas des autres univers. Bon, enfin, peu importe, c'est intéressant, évidemment. Mais bon, pour terminer, moi, je crois qu'il y a quand même une grande confusion, quoi. C'est-à-dire, par définition, quand même, s'il y a des autres univers, la physique ne peut pas s'en apercevoir, ça ne peut pas influencer notre physique. Parce que si ça influence notre physique, c'est que ça fait partie de notre univers, un peu par définition. À moins de changer la définition de l'univers, mais malheureusement, personne n'en a donné une autre définition cohérente. Quant aux autres parties de l'univers, effectivement, par exemple celles dont parle Hawking, ce sont d'autres parties de l'univers, ce ne sont pas d'autres univers. Et là, on peut faire de la physique. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus débattre de cette question des univers multiples. Marc Lachaiseret, Einstein à la plage, ou avec Jean-Pierre Luminet de l'Infini Horizon Cosmique Multivers et Vide Quantique, c'est chez Duno. Christophe Gelfard, l'univers à portée de main, c'est chez Flammarion. Vous retrouvez également, pour les gens qui habitent à Paris, samedi matin à 11h, où ça? Dans le cinéma MK2, Quai de Loire. C'est une conférence spéciale pour les enfants sur l'existence d'extraterrestres. Ben voilà, après les univers multiples, les extraterrestres, samedi matin à 11h au MK2, Quai de Loire, c'est ça? À Paris. Très bien, merci beaucoup à tous les deux, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Sarah Higemont, Sève Etienne, Céline Nozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. La suite de vos aventures dans un instant, c'est le deuxième épisode de la série documentaire Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent, par Juliette Boutillier et Vincent Deck. Tout à l'heure, après le journal de 18h, le Parlement a-t-il son mot à dire sur les questions militaires? C'est la question du grain à moudre du jour qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Et puis, pour ce qui nous concerne, demain, nous parlerons de la médiation en temps et en heure. Une nouvelle branche de la médecine adapte la prise de traitement à l'heure de la journée basée sur les rythmes circadiens. Il s'agit de la chronothérapie. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.